Eh bien, nous voilà repartis avec 45 bonnes secondes de retard, plus le générique, comme d'habitude, de ces Pion Gangsta Rockers numéro 363 qui débute pour une heure de bonne musique qui pulse. Non, pas vraiment. Enfin, si, bon, ça va quand même faire du bruit. Et puis, il y aura quelques petites remarques sur l'actualité, mais pas trop. On va essayer de rester dans la joie de la scène locale pour contrebalancer le bordel des informations d'où qu'elles viennent. Eh bien, pour l'instant, qu'est-ce que je voulais vous passer, moi? Ouais, et puis en plus, je suis tout seul ce soir, c'est affreux, mon Dieu. Que va-t-il se passer ce soir? Nous allons donc passer non seulement des trucs de groupes qui sont passés récemment sur l'île et sa région, mais aussi des petites choses qui devraient arriver dans la semaine et les jours et la semaine qui viennent. Ouais, et puis également quelques groupes du Moyen-Orient ou assimilés. Pour l'instant, c'est du belge qui arrive, Kvass. Ils sont à côté de Bruxelles. Kvass vont nous faire bouc émisaire. De quoi s'agit-il? Ils établissent l'insécurité et on se déchire pour une identité. Et on imagine que ça pourrait changer et on balbutie que rien n'a pu être fait. Et s'évanouissent les possibilités de s'affranchir de leur autorité. Kvass avec bouc émisaire. Voilà, Kvass avec Bouquet Misère, Kvass avec 2V, KVVAS, c'est un groupe qui fait partie de l'écurie Arredge, donc tous les gens qui tournent autour de René Binamé, des Slugs et tout ça. Vous pouvez donc trouver leur actualité sur ardje.net, ça c'est le site de toute cette fine équipe, et puis il y a pas mal de concerts en ce moment dans la région, plutôt du côté belge, bien sûr. Maintenant, un groupe qui va passer demain à la Griffe à Lille. Il s'agit de Pales, ce sont des jantes qui viennent de Strasbourg, elles font du poste sur plombant. Elles seront accompagnées de Another, qui sont passées du côté Psyché Noise Rock de la Force après s'être marketées sous le nom de post-punk. Bah, ma foi, pourquoi pas. Et puis, troisième groupe de filles, enfin, avec au moins une fille au chant, mais là je crois que Miskin, c'est uniquement des filles, où il y a peut-être un bassiste. Bon, bref, vous verrez bien demain si vous allez à la Griffe. Et Miskin, elles font du punk orbital et malheureusement on n'a pas encore de quoi passer de la musique en boîte en radio, donc on est obligé, pour savoir ce qu'elles font, et d'aller les retrouver demain soir à la Griffe à partir de 20h. Ça sera prix libre, la Griffe c'est 37 rue des Postes à Lille, donc Miskin, Another et Pales qu'on écoute maintenant avec Nothing. Voilà, Pales avec Nothing, demain soir à la Griffe, 37 rue des Postes à Lille. J'ai donc décidé ce soir, du haut de mon micro, de vous passer deux trois petits trucs qui viennent de groupes, du Moyen-Orient, des groupes libanais ou assimilés. Pourquoi ? Simplement parce que l'actualité en ce moment est assez lourde. De ce point de vue-là, on a à la fois le génocide à Gaza, aussi un truc qui ressemble quand même à une épuration ethnique qui est bien commencée en Cisjordanie. Et puis là maintenant, l'attaque sur le Liban, bien sûr toujours au prétexte de combattre le terrorisme, vous comprenez, le Hamas et le Hezbollah, c'est affreux. Et puis donc, on peut bombarder des écoles, tuer des gamins, il y a des trucs assez sordides qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux par rapport, enfin des informations assez sordides qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux par rapport à tout ça. Je ne vais pas en rajouter des masses là-dessus. Et donc, puisque apparemment, comme le disent un certain nombre d'officiels de très très haut niveau en Israël, l'objectif, c'est de conquérir le plus de territoire possible et puis de revenir à un Israël de dimension biblique, c'est-à-dire de bouffer Gaza, de bouffer la Cisjordanie, de bouffer une partie de la Jordanie, une partie du Liban, peut-être même pour certains, tout le Liban, une partie de la Syrie aussi, et puis pourquoi pas à bout de l'Égypte, et puis apparemment ça n'a pas l'air de d'émouvoir beaucoup de monde parmi les gros pays, dont la France, qui quand même proteste mais mollement, et puis qui en tout cas ne balance aucune sanction sur Israël. Qu'est-ce qu'ils font les Israéliens, enfin en tout cas l'État israélien, ils continuent de plus belle, tout en imposant une discipline de fer à l'intérieur du pays. Donc j'aimerais vraiment pas être un opposant actuellement et rester en Israël. Et puis donc du coup je me disais que j'allais passer des groupes qui sont pas forcément israéliens maintenant, mais qui un jour peut-être le deviendront par la grâce du laisser-faire. Un régime qui n'a pas grand-chose de démocratique. Après tout, nous-mêmes en France, est-ce qu'on a encore des leçons à poser de ce point de vue-là? La question reste posée. Pour l'instant, voici Angry Farmers. C'est un groupe du Liban. C'est les restes de Detox qui était pas mal tourné à l'époque, il y a une dizaine d'années, qui était même parti aux États-Unis parce qu'à apparemment, rester au Liban, pour eux, c'était un petit peu compliqué. Et après, il y en a quand même un ou deux qui sont rentrés là-bas. Ils avaient fondé donc ce Angry Farmers. Les voici avec God's Garbage, Angry Farmers. Angry Farmers avec God's Garbage dans Pyongyang City Rockers numéro 363 sur Campus 106,6. Que de nombres et que de chiffres. Une petite nouveauté lilloise du véritable punk 77, punk rock and roll comme vous voulez. Public Toys avec une pléiade de vedettes à l'intérieur de ce groupe. Je ne les nommerai pas. J'ai peur d'en oublier. Leur démo, elle sort quand? Elle sort le 11 décembre prochain, en physique ou pas, je ne sais pas. En tout cas, elle est déjà disponible sur publictoys.bandcamp.com. Inutile de dire que ce Public Toys lillois n'a rien à voir avec le Public Toys allemand des années 90. Cette nouvelle sensation punk rock and roll lilloise sera à l'affiche du week-end d'anniversaire du Pits. Eux, ils seront là le 7 décembre au Pits. Et puis, il n'y a plus qu'à écouter leur titre Big Flash, Public Toys. Non, on va les faire recommencer du début parce que ça va pas du tout cette affaire. Hein. Voilà, Public Toys, Big Flash, là ça va aller beaucoup mieux. Décidément, on a des logiciels qui ne fonctionnent pas ici. Les voici. C'était il y a 47 ans, un vrai véritable groupe de punk 77, Hitter, en plus ils étaient de Londres, et puis le titre bah, c'était Public Toys, et juste avant c'était Public Toys, le groupe lillois, avec Big Flash, sur leur démo qui sort maintenant sur leur Bandcamp, et qui sera disponible apparemment le 11 décembre, mais on sait pas trop sous quelle forme. Petit groupe bruxellois, Los Punkis Españoles de Bruselas, les punks espagnols de Bruxelles, vous aviez compris, ils ont sorti une démo le 18 octobre dernier, dans laquelle il s'agit entre autres de rester fier et debout. Ah oui, ce groupe s'appelle Zona Norte. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Venu d'un quartier populaire, d'une ville ouvrière, tu relèves la tête pour montrer aux petits bourges que leur arrogance et leurs privilèges ne t'impressionneront jamais. Fais-le leur savoir. Hazlo saber par Zona Norte. En los pies, tu gesto cuando miras no puedes parecer. Ni escuela privada, ni Vous avez écouté successivement Hacer lo Saber par Zona Norte, qui viennent de Bruxelles. Et puis, quand on parle de Zona Especial Norte, bien sûr, on pense au groupe basque et au Pays basque en général. C'est le nom qui a été donné par l'administration espagnole au moment de où la répression battait le plus son plein dans les années 80-90. C'était le nom qui était donné, donc zone spéciale nord, Zona Especial Norte, au Pays basque. Donc c'était une zone spéciale où le droit et la loi s'appliquaient de manière à géométrie variable, on va dire. Et donc juste après Zona Norte, c'était un groupe basque Arezi avec Artes, sorti, c'est un truc qui est sorti chez Mendekou Discac en 2022, me semble-t-il. La semaine prochaine, Gaël pourra me reprendre ou pas sur ce point. Maintenant, petit changement de rythme, voici un petit groupe du coin, Log Equation avec Coward Code. C'est The Log Equation avec Coward Code sur Campus 106,6. Vous écoutez l'émission Pyongyang City Rockers numéro 363. Petite chronique fanzine de la métropole lilloise, Anarchie Locale, le numéro 8. Pour novembre 2024 est paru, on peut le trouver un peu partout en papier, on peut même le trouver et puis l'imprimer soi-même si on veut en se branchant sur https://anarchielocal.noblog.org. Noblog c'est noblogs.org. Et puis j'en tire cette petite info là de ce qui s'est passé récemment à Lille 3. La BAC à Lille 3, 800 euros d'amende. Que disent-ils? On dirait un marronnier, mais c'est qu'on s'est trop habitué à voir les sales gueules de cœur CUF sur les campus. Le 8 octobre 2024, les étudiantes et étudiants organisent une AG Interfac à Lille 3. L'idée est de se rassembler pour voir les déterres du moment. 18h, la sécu collaborationniste bloque toutes les portes. 2 points, fermeture anticipée. Une salle, malgré les demandes refusées quelques jours avant, est prise de force donc. L'AG se tient donc avec une cinquantaine de personnes, avec quelques sonneries d'alarme du bâtiment en fond. À 20h20, les Condés arrivent de tous les côtés, par différentes portes, mais aussi par les fenêtres. Ils renversent les tables, juste histoire d'eux, pour le spectacle, pour faire peur, lit-on dans un texte qui raconte l'histoire ahurissante. Les flics se lâchent carrément, insultes à tout va, contrôle très rigoureux et amende, 800 euros en cumulé. Bande de bâtards. Pendant ce temps-là, un autre groupe d'étudiantes et étudiants, sorti un peu plus tôt, se fait à moitié courser par les flics dans la rue. En 2017, les multiples interventions des flics pour déloger les étudiantes et étudiants contre Parcoursup suscitaient l'indignation dans toute la fac. En 2016, ils expulsaient un amphi occupé pendant 3 mois à Lille 1 contre la loi travail. En 2007, certains profs même de droite refusaient de faire cours parce que les flics étaient intervenus sur le campus de Pont-de-Bois pour virer les occupantes et occupants contre la loi LRU sur la privation de la fac un certain 13 décembre 2007. On prend donc la mauvaise habitude maintenant d'accepter de voir du bleu sur les campus. Pas étonnant que la jeunesse ait le blues. C'est une des petites infos et un des articles qu'on peut trouver dans ce numéro 8 de Anarchie Locale pour novembre 2024. Donc, attention, Anarchie Locale, sous-titré Dépliant, plié en 3 d'infos lilloises. Sinon, il y a des trucs sur possiblement le Tour de France 2025 à Lille. Aïe, aïe, aïe. Aussi, ça parle de peut-être que ce serait la dernière année pour Martine Aubry. Oui, enfin, pas trop. Il y a un petit point sur où se trouve Amazon. Vous savez, les machins qui vendent tout et n'importe quoi un peu partout sur la planète. Bah, ils sont aussi dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Donc, il y a un article là-dessus avec une petite carte à l'appui. Et puis, il y a un truc sur Captain Support pour faire de la solidarité en mer en direction des exilés et des réfugiés. Et puis aussi, bah, sinon, l'agenda, comme d'habitude. Il y a une page entière d'agenda. Et vous trouvez des bonnes infos sur l'île. Donc, ça se trouve tout ça sur Anarchie Locale numéro 8, qu'on peut retrouver aussi sur le web anarchielocale.noblogs.org. Et puis, bah, maintenant, encore un peu dans le même genre que Log Equation, juste avant, peut-être un peu plus sombre, Curtain avec Against the Wall, ils viennent de Paris. Thank you. 20h41 minutes à l'antenne de Radio Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 363 qui vient de vous diffuser un titre d'un groupe situé au Canada mais avec trois personnes venant de différents pays arabes à son bord. Il s'agit de Khasarat, K-H-A-2-S-A-R-A-T. Il y a une démo qui est sortie l'année dernière sur un label dont je ne retrouve pas nom. Oui, c'est World Divided, label de Montréal justement. Khasarat, donc d'ailleurs cette démo 4 titres, je pense qu'on peut la trouver sur l'île en format physique, cassette, chez Dirty Slap Records. Vous vous renseignez ou alors vous débarquez dans un concert au Centre Culturel Libertaire souvent. Le monsieur il est là puis il vend ses cassettes à prix libre. C'est de la folie. Prix libre ne signifie pas que vous mettez un centime, hein. Vous mettez quand même un petit peu des sous, parce que ça coûte un petit peu d'argent de produire ce genre d'objet. Puis en plus après de pouvoir les écouter, c'est quand même vachement bien, quoi. Donc le titre c'était le nom du groupe c'était Khasarat et le titre c'était Avenir perdu. Je me garderai bien de le dire en arabe. Par contre les paroles elles étaient en arabe. Vous pouvez les retrouver aussi ça sur le Bandcamp de A World Divided, awd-tapes.bandcamp.com, où on peut aussi trouver pas mal d'autres choses de pays arabes du Moyen-Orient. Et d'ailleurs voilà, maintenant quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Encore un groupe qui vient de Paris, il s'appelle UE, Y-U-E-H. Ouais. Et puis c'est du post-hardcore. Ils ont sorti l'année dernière, en mars 2023, ce titre Sniper qu'on écoute maintenant. Merci, c'était Sniper, le titre de ce que vous venez d'écouter. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, numéro 363, vous êtes bien sûr Radio Campus 106,6, DAB+, 7C et tout le bordel. On connaît ici les Television Personalities, entre autres pour leur tube Pathetic Punk de début de carrière titré Part-Time Punks, qu'on a passé dans Pyongyang City Rockers il y a bien longtemps. C'était Wolf qui s'y était collé, il me semble. J'en rajouterai pas trop, sinon pour dire que si le groupe a dû arrêter un moment de jouer dans leur longue carrière, qui n'est toujours pas finie, c'est parce que leur chanteur Dan Tracy était emprisonné de 98 à 2004 pour vol à l'étalage. Grab and go, comme on dit dans nos contrées. Voici un extrait de leur Peel Session de 1980, donc à leur tout début. Et pour une fois, vous n'entendrez pas la douce voix de Sir John. Voici donc les TV Personalities avec Look Back in Anger. Je regarde en arrière à toi. J'ai fait des choses tu trouvais nulles, pas tout à fait comme tu les pensais. J'ai écouté tes conseils et j'ai fait tout ce que tu me disais. Je suis vraiment désolé quand je regarde en arrière. J'avais tort, je t'ai fait pleurer. Mais n'est-ce pas ce que tu veux entendre? Je regarde en arrière, je repense à toi. Je regarde en arrière, à toi, toi, toi. Je regarde en arrière, je repense à toi. Je regarde en arrière, en colère. D'abord, vous avez eu la version originale anglophone par les TV Personalities, Look Back in Anger, en Peel Session en 1980. Et ensuite, la version française made in Villefranche-de-Rouergue par Le Cœur des Garçons, Je Regarde en Arrière. C'est fidèle, tout en étant original, c'est pas mal, non? Et Le Cœur des Garçons, on avait pu les admirer dans un superbe concert en compagnie de Prise Rapide et aussi des Berlinois de PB. C'était le 29 septembre dernier. Où ça? Bah forcément, au Centre Culturel Libertaire, le CCL, 4 rue de Colmar. Il y a toujours des trucs bien là-bas. Et puis maintenant, totalement rien à voir. Passons du côté obscur de la force avec Der Flur, projet parallèle au sulfureux OHL, dit Oberste-Versleitung, le grand quartier général. Der Flur, bah, c'est le groupe de Deutscher W, donc, qui était le chanteur aussi de OHL, où il faisait donc un usage très extensif de l'image guerrière allemande, si vous voyez de quoi je veux parler. Ici, c'est une reprise des Cramps que vous allez pouvoir entendre dès maintenant. Du coup, bah, la mouche humaine, Human Fly, de l'original devient en allemand un loup-garou, Werwolf, Werwolf par Der Flur. Ich bin ein junger Werwolf, halb Mensch, halb Tier. Ich bin ein junger Werwolf, ich will was von dir. Keiner versteht das, töten macht Spaß. Keiner versteht das, töten macht Spaß. Ich bin ein junger Werwolf, halb Mensch, halb Tier. Ich bin ein junger Werwolf, ich brauch dein Blut. Ich bin ein junger Werwolf, ich will dir was tun. Keiner versteht das, töten macht Spaß. Keiner versteht das, töten macht Spaß. Ich bin ein junger Werwolf, halb Mensch, halb Tier. Musik. Allez, il nous reste 30 secondes à passer ensemble à peine, et donc c'est sur Pound, le seul groupe ricain de la soirée, du Mad Grind. Ils viennent de Seattle, que je vous dis au revoir à la semaine prochaine pour le 364e épisode de Pyongyang City Rockers. On vous souhaite d'écouter encore beaucoup d'émissions de Radio Campus. D'ici quelques minutes, ça sera Teeth Grinder qui prendra le relais, et puis on n'oublie pas ACAB, à cab.